L'effrayante aventure, deuxième partie, chapitre 2, où la lueur grandit. Avec un aplomb que justifiait sa fonction de détective, pour le moment honoraire, M. Bobby s'était présenté au château Redmore, demandant carrément à être introduit auprès de Miss Redmore. À sa grande surprise, il avait été immédiatement reçu et conduit dans une sorte de bibliothèque où il avait été invité à attendre. Un assez long temps s'était écoulé, mais M. Bobby avait fait de la patience sa règle de conduite, quitte à ne la point respecter lorsqu'elle apportait quelque gêne à ses desseins. Enfin, une porte s'était ouverte et un personnage était entré. Une sorte de géant aux épaules énormes, roux de cheveux et de barbe, avec lunettes d'or. Gros ventre, jambes longues, pieds de roi, sinon d'empereur. M. Bobby n'avait pas hésité une seconde à reconnaître en lui M. Jedediah Redmore. Cette carrure de millionnaire ne pouvait le tromper. Et en effet, c'était bien M. Redmore qui, d'une voix un peu rude, mais adoucie par la courtoisie, demanda à l'intrus ce qui lui valait l'honneur de sa visite. Malgré sa force de caractère, M. Bobby hésita un moment à répondre. Il eût mieux aimé se trouver en face d'une jeune fille qu'il eût plus facilement dominée de toute la hauteur de son intelligence. Mais ce trouble fut court. « Monsieur Redmore, dit-il, j'ai pour principe que la franchise est encore la seule façon d'arriver à son but. Je n'ai aucune raison plausible, palpable, pour me présenter devant vous. » « Alors, fit Monsieur Redmore d'un ton moins cordial. Cependant, si je suis venu, c'est qu'évidemment j'ai des raisons que je qualifierais de subtiles, de délicates, et je vous prie de me prêter quelques minutes d'attention. » Sur un signe d'acquiescement ennuyé, Bobby reprit. « Quelques questions tout d'abord. Si elles vous paraissent déplacées, je vous supplie tout d'abord de me pardonner, car je n'agis qu'avec d'excellentes intentions. « Cher monsieur, interrompit monsieur Redmore, si dans 5 minutes vous ne m'avez pas expliqué ce que vous venez faire chez moi, je vous prends la cravate et je vous jette par la fenêtre. » Bobby eut un sourire exquis. « 5 minutes me suffisent, fit-il. Auriez-vous l'extrême complaisance de me dire si vous êtes en relation avec un certain Sir Athel Randon de Corsica Street, Highbury ?» Sur un signe d'inquiétement ennuyé, de rouge qu'il était, Redmore était devenu cramoisi. « Ah, vous venez de la part de ce misérable » s'écria-t-il. « Eh bien, vous en serez pour votre démarche, sœur. Mettez-vous dans la direction de la porte, que je vous y lance. » « Les 5 minutes ne sont pas écoulées, et je me fie à votre parole de gentleman. Donc, ce nom vous est connu, puisqu'il vous exaspère. Je continue. Est-ce vers le 2 avril, dans la matinée, que se passa ici certaine scène qui a mis fin à des relations jusqu'alors assez amicales ?»« Oui, sœur, le 2 avril. Je n'ai aucune raison pour le cacher. Mais, by God, qu'est-ce que cela peut vous faire ?» Croyez bien que je n'obéis pas à une vaine curiosité. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires privées. Mais à cette même date, il s'est passé une autre scène qui, je ne sais quel instinct me le dit, n'est pas sans quelque lien avec celle d'ici. Une scène ? Quoi ? Où ? À Paris, répondit gracieusement M. Bobby. M. Redmore faisait de visibles efforts pour se contenir. Mais à ce mot de Paris, tout son sang-froid l'abandonna, et convaincu qu'on se moquait de lui de la façon la plus outrageante, il accabla ce doux monsieur Bobby d'épithètes peu cordiales et finalement lui ordonna de sortir. Mais Bobby, voyant la partie perdue de ce côté, risqua le tout pour le tout et cria à pleine voix « Si Miss Mary Redmore daignait m'entendre, nous arriverions à sauver Sir Rattel Randon !» Et l'idée était ingénieuse, car la porte s'ouvrit instantanément et Miss Mary parut. Oh, la délicieuse enfant, 20 ans, potelée, rose, avec un délicieux ébouriffement de cheveux blonds qui lui faisait une auréole. Qu'y a-t-il, papa ? Demanda-t-elle vivement. Et qui donc a prononcé le nom de... Elle rougit vivement, s'apercevant enfin de la présence de Bobby, qui, incliné, gentleman jusqu'au bout de ses bottines, témoignait de son respect pour la beauté. « C'est cet imbécile !» répondit Redmore, « qui vient me débiter je ne sais quelle sottise. Il parle de la matinée du 2 avril, cette date que nous devons oublier à jamais !» Miss Mary, d'un mouvement fort gentil, avait porté la main à son cœur, comme si cette date l'y avait frappée. « Papa, dit-elle, si pénible que soit toute allusion à ce jour malheureux, oubliez-vous que j'ai le plus grand intérêt, à l'appuyer sur les mots, à savoir ce qui s'est passé chez la personne dont il s'agit, et par là démêler les motifs d'une horrible aventure. Si vous le permettez, j'aimerais interroger moi-même, monsieur... » Bobby, fit notre homme pour répondre à l'interrogation. Monsieur Redmore regrettait vivement de n'avoir pas plus tôt expédié l'importun par la fenêtre. Mais la voix de sa fille était si douce et remuait si délicieusement ses fibres paternelles que, ne se sentant pas de force à lui rien refuser, il tourna brusquement ses talons et sortit. Première victoire de Bobby. « Parlez-moi, monsieur, lui dit vivement Miss Mary. Que savez-vous de Sir Hassel ? Rien, hélas, jusqu'à présent, miss. Mais comme j'avais l'honneur de le dire à votre respectable père, je suis un homme d'intuition, de flair, et j'ai la conviction qu'avec un peu d'aide, j'arriverai à percer un redoutable mystère qui peut-être vous intéresse autant que moi. Vos paroles sont bien obscures. Connaissez-vous Sir Hassel ? J'ai fait l'impossible pour parvenir jusqu'à lui, mais je n'ai pas réussi. Mais quelle relation existe entre vous et lui ? Aucune jusqu'à présent. Voyons, miss, écoutez-moi quelques instants, je vous prie. Le 2 avril au matin, Sir Hassel s'est-il, oui ou non, présenté chez vous, pâle, en désordre, avec les allures d'un fou, et n'a-t-il pas proféré des paroles qui vont à la fois surprise et désolée ? Cela est vrai. Oserais-je vous demander, miss, quelles furent ces paroles, ou tout au moins, en est-il que vous consentiez à me répéter ? La jeune fille hésita un instant. Elle regarda Bobby et elle eut la notion qu'il avait visage d'honnête homme. Sir Hassel, que j'avais vu 2 jours auparavant, affable, bon, confiant en l'avenir, que, je le dis sans honte, je devais partager avec lui, s'est présenté ici le 2 avril à 9 heures du matin, livide, les traits tirés, méconnaissable. Et alors, comme je le pressais de questions, il m'a dit qu'il était déshonoré, qu'il avait commis un crime horrible, lui si loyal, qu'il ne pouvait exiger de moi l'accomplissement de la promesse échangée entre nous, que je ne pouvais pas, que je ne devais pas enchaîner ma vie à celle d'un coupable. Que sais-je encore ? Les paroles entrecoupées, les sanglots qui les ponctuaient, tout m'épouvantait. Je le suppliais de s'expliquer plus clairement, lui affirmant que même s'il avait commis quelque imprudence, je lui pardonnerais, je l'aiderais à la réparer. Soudain, il s'est enfui, et depuis lors, il n'est plus revenu. Et elle fondit en larmes en cachant sa tête dans ses mains. Bobby avait écouté attentivement. « Vous n'avez jamais remarqué chez Sir Hassel quelque dérangement d'esprit ?»« Jamais, certes, il était souvent préoccupé. Je savais qu'il consacrait toute sa vie, toute son intelligence, à la réalisation d'une invention nouvelle qu'il a parfois essayé de m'expliquer. Mais malgré toute l'attention que je prêtais à ses paroles, mon ignorance en matière scientifique ne me permettait pas de suivre son raisonnement. Dans quel ordre d'idées étaient dirigées ses recherches ? Il m'a dit une fois que s'il parvenait au bout de ses efforts, les ballons dirigeables, les aéroplanes, ne seraient plus que des jouets d'enfants et qu'il serait fort d'aller de Londres à New York en 2 heures. Monsieur Bobby bondit sur ses pieds et, obéissant à une force supérieure à sa volonté, esquissa un pas de gigue en chantonnant un vieux refrain de ministre nègre. « Eh bien, sœur, devenez-vous fou vous-même » s'écria Miss Mary, un peu inquiète. Monsieur Bobby retomba d'aplomb au port d'armes. « Excusez-moi, miss, je ne suis pas fou et je n'ai eu nulle intention de vous offenser. Mais ce que vous venez de me dire, si vous pouviez savoir, en 2 heures, 1000 lieues, mais alors, de Londres à Paris, 350 kilomètres, une misère, 10 minutes peut-être. Et alors, Coxward, oui, évidemment, le lien existe, il existe. » « Je ne vous comprends pas. »« Mais moi non plus, » répliqua Bobby. « Mais l'intuition fonctionne, le flair opère. » Il s'arrêta tout à coup, puis de sa voix redevenue correcte. « Miss Mary Redmore, » dit-il, « il faut absolument que je voie Sir Hassel. Je vous affirme, sur ma parole de citoyen anglais, pur cockney de Londres, que dans toute cette affaire, je n'ai que des vues parfaitement honorables. » J'ajouterai que, touché par votre situation personnelle, je suis mariée, miss, et je sais ce que c'est que l'affection d'une femme pour l'homme qu'elle a choisi. Je suis tout prêt à vous aider à réparer, s'il est possible, les conséquences de la matinée du 2 avril. Aidez-moi à voir Sir Hassel, et je le ramène à vos pieds. Oh, si vous pouviez accomplir ce miracle! Hé hé, à vous regarder, miss! Il ne me paraît pas que le miracle soit irréalisable. Je suis certain que ce n'est pas de gaieté de cœur que Sir Hassel a renoncé au bonheur d'être votre époux. Il a dû éclater, dans sa vie, une catastrophe que je pressens, que je devine, mais que je ne puis définir, et dont peut-être j'arriverai à pallier les effets. Que je suis heureuse de vous entendre. Hélas, je perdais tout espoir, et je ne sais pourquoi. Mais j'ai confiance en vous. Alors répondez à ma question. Vous est-il possible de m'obtenir une entrevue avec Sir Hattel? Je ne sais que vous dire. Déjà, faisant litière de tout amour propre, je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu. Mais vos lettres lui sont parvenues? J'en suis sûre. C'est ma gouvernante elle-même qui les a jetées dans sa boîte. Et qui pourrait en jeter une nouvelle? Oui. Monsieur Bobby se frappa le front. « Écrivez, miss, écrivez. Dites à Sir Hassel que vous le suppliez de recevoir un gentleman qui se présentera aujourd'hui même à 5 heures. » Il s'interrompit, puis avec un geste décidé, « Allons-y, go on, qui ne risque rien n'a rien. » Puis, prenant sa dictée, « et qui désire vous entretenir », au sujet du personnage dont la photographie est si jointe. Il tira de sa poche une photographie et Miss Mary, obéissante, l'introduisit dans l'enveloppe. C'était celle de Coxward.